le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, tu remplis les cieux, Adonai. Oh, alléluia. Yesu, Zelape, Yesu, Solo, Mokangu, les amis.